ma part, je vais vous entretenir sur la 5e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, qui s'est tenue du 1er juin au 3 juin dernier, donc lundi dernier, à Yokohama au Japon. Donc, dans le cadre de cette 5e conférence, où une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement africains se sont réunis pendant 3 jours, le Japon, à travers son premier ministre Shinzo Abe, a annoncé qu'il compte fournir une aide au développement de 24 milliards d'euros sur 5 ans pour l'Afrique. Donc, parmi ces 24 milliards d'euros, 14 milliards seront issus de fonds privés et le 10 milliards restant de fonds publics. Selon le premier ministre Abe, ces fonds seront principalement consacrés au renforcement des infrastructures pour la promotion des investissements privés étrangers, donc des infrastructures de type économique, entre autres des réseaux de transport afin de créer des couloirs internationaux, l'amélioration des réseaux électriques pour en nommer quelques-uns. On peut bien comprendre ici la nature de cette dite aide et se poser légitimement la question pour le développement de qui, et très certainement pas celui des peuples africains. En plus des pierres orthodoxes, les puissances occidentales, l'Afrique, terre de toutes les convoitises, voit de plus en plus ses ressources spoliées par les pays émergents, du BRIC notamment. Loin de considérer le Japon comme un pays émergent, le Japon n'a jamais eu un grand intérêt pour l'Afrique, jusqu'à tout récemment d'ailleurs. Ses investissements comptaient à peine 2%. Effectivement, à la 4e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, en 2008, le Japon exprime sa volonté d'augmenter sa présence sur le continent. Il s'engage à doubler son aide au développement à l'Afrique subsaharienne. Depuis cette déclaration, le Japon peine à honorer ses engagements. Alors, cela reste à voir, car le Japon octroie plus de 75%, donc très majoritairement, son aide au développement aux pays d'Asie Pacifique. Par exemple, en 2011, selon les derniers chiffres du Comité d'aide publique au développement de l'Organisation de la coopération du développement économique, les 5 principaux pays ayant reçu une aide au développement sont l'Indonésie, l'Inde, le Vietnam, la Chine et les Philippines. Le Japon ne s'est jamais caché que la coopération internationale pour le développement doit servir en premier lieu ses propres intérêts et qu'elle est une constituante importante de sa politique étrangère. Jusqu'en 2011, le Japon se classait au premier rang en tant que bailleur bilatéral en volume au sein des pays du Comité d'aide publique au développement de l'OCDE. Depuis, malgré une hausse de 10% en 2008, les montants d'APD, donc d'aide publique au développement, son acronyme, ont diminué et remonté que très légèrement en 2010. Ces diminutions sont principalement dues aux restrictions budgétaires et aux efforts de reconstruction suite au tremblement de terre et au tsunami de 2011. Donc, c'est justement ce que justifie le gouvernement japonais. Selon le cadre de l'OCDE, le Japon se situe au 5e rang en termes de volume et à la 20e place sur les 23 pays du Comité d'aide publique au développement de l'OCDE en termes de ratio aide publique au développement PIB, produit intérieur brut, avec 0,18%. On est vraiment très, très loin, alors qu'il était le premier en 1999, on est très loin du 0,7% décrété par l'ONU, dont on avait déjà présenté un topo il y a quelques semaines. Malgré une restructuration organisationnelle, son agence de coopération internationale, connue sous son acronyme le JICA, en 2008, le Japon est connu pour ses hauts taux d'aide liés, c'est-à-dire que le pays qui reçoit une aide est obligé, pour mettre en œuvre un projet, de se procurer les biens ou services pour mettre en œuvre ce projet ou ce programme auprès du bailleur qui lui accorde le prêt ou le don, ce qui entraîne une augmentation de 15% de 15 à 30% des coûts de ces biens et services. Rappelons à ce sujet que ce phénomène n'est pas unique au pays du Sud. Le Québec, et particulièrement Montréal, vit quelque chose d'assez semblable ces temps-ci. Hein, la collusion entraîne une augmentation des coûts et c'est pas unique à l'Afrique. Hein? Donc, ce système de « je t'accorde un prêt à condition que tu achètes chez moi » a participé à augmenter la dette des pays du Sud, donc le processus d'endettement, le cycle vicieux d'endettement dans lequel les pays du Sud sont pris depuis plusieurs années, plusieurs décennies même, et dessert considérablement le dit développement. Rappelons aussi que ce phénomène n'est pas propre au Japon. D'aide liée, hein, rappelons-le, les pays scandinaves qui ont une si bonne réputation, ainsi que le Portugal, les Pays-Bas et l'Allemagne, liaient de 50 à 90% leur aide publique au développement. Le Canada, la France, le Royaume-Uni et l'Italie se situaient un peu en dessous, entre 25 et 50%, ce qui est quand même considérable malgré tout. Malgré les appels du Comité d'aide publique au développement à délier l'aide et les engagements pris au cours des dernières années, les chiffres que les bailleurs fournissent au Comité d'aide publique au développement sont opaques et les bailleurs jouent largement sur une définition qui mérite hautement d'être spécifiée. Selon le dernier examen par les pairs du cadre de l'OCDE de 2010, donc à chaque année, environ à tous les 4 ou 5 ans, chaque pays membre du cadre de l'OCDE, ils sont 23, ils sont devant un examen par les pairs. Donc le Canada, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis évaluent le Japon ou la Corée du Sud. Et donc, ils évaluent leur politique d'aide publique au développement, ils leur font des recommandations. Donc le dernier pour le Japon a eu lieu en 2010. Le Japon se fait évidemment réprimander de déclarer des montants comme étant de l'aide déliée alors qu'il s'agit d'aide liée. On peut clairement comprendre par cela que l'aide japonaise est principalement guidée par ses intérêts commerciaux et de ce fait ne peut être compatible avec les intérêts des peuples d'Afrique. Dans cette même veine, en 2008, le Japon annonce sa nouvelle politique des partenariats publics-privés dans le cadre de sa politique de coopération internationale. Cette annonce de 2008 est cohérente avec celle de lundi dernier, où, rappelons-le, un peu plus de la moitié des montants seront alloués par des fonds privés, avec 14 milliards d'euros. Pour conclure, l'aide au développement pour honorer ces concepts malmenés et galvaudés depuis trop d'années déjà devrait être fondée sur une solidarité véritable des peuples, entre les peuples, une aide désintéressée ou dont le seul intérêt est le bien-être et le bien-vivre de l'humanité. Le Japon devrait davantage promouvoir ces fermes biologiques complètement autonomes et autosuffisantes qui fonctionnent en circuit fermé, qui fonctionnent en harmonie tant avec les plantes, les arbres et les animaux sans émettre de gaz à effet de serre, les fameux tekei qui veut dire en japonais partenariat. Donc voici un peu la brève annonce de lundi dernier du premier ministre d'investir 24 milliards de dollars. Et voilà, donc on devrait davantage le dénoncer que d'applaudir cette annonce. Donc je vous invite à le dénoncer. Merci.